Bonjour mademoiselle, je peux vous aider ? Bonjour monsieur, j'ai perdu ma valise. En fait, je l'ai laissée dans le train ce matin, le train de Strasbourg, de 11h. Ah, et elle est comment votre valise ? Pas très grande, bicolore, vert foncé et beige. Ah, mais je sais pas comment ça s'appelle, là. C'est léger, ça ressemble à du tissu, c'est du synthétique. Oui, oui, je vois. Il y a votre nom dessus ? Je ne me souviens plus. Bon, attendez, je vais voir. Voilà, j'ai cette valise. Ah oui, c'est la mienne. J'avais des documents très importants dedans. Je peux vérifier ? Oui, je vous en prie. Alors, il y a toutes vos affaires ? Mes vêtements, mes affaires personnelles, oui. Mais je ne vois pas mes dossiers. Ah là là là là, comment je vais faire ? Bon, vous allez passer au commissariat pour faire une déclaration. Ne vous en faites pas, mademoiselle, ils sont quelque part, ces documents. Et en attendant, je vais vous demander de signer ici, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Bonne chance.